Dans le magasin, la boulangère pèse les pains. Il est bourré, Casimir. Rien que de voir ça, ça me donne faim. Oh, pardon, Céleste. Ne faisons pas attendre la servante de monsieur le curé. Merci, Casimir. Je me languissais de le toucher, ce bon pain. La boulangère pèse le pain de Céleste, mais elle ne regarde pas la balance. Elle regarde le berger, qui est debout contre le mur. Le berger la regarde aussi, immobile et muet. Il attend. Peu à peu, le magasin se vide. Au fond, là-bas, dans le fournil, on ne voit que le gros derrière du boulanger qui tire les pains du four. La boulangère descend du comptoir. Elle s'approche du berger qu'elle regarde bien en face. Berger, viens ici. On voit ton sac. Le berger déroule le sac et le tient ouvert à deux mains à la hauteur de sa ceinture. Deux. La boulangère plonge les grands pains jusqu'au fond du sac et chaque fois en se relevant, ses cheveux effleurent le visage du berger qui respire l'odeur de la femme.